1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine, qui si quelqu'un désire d'être évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non sujet au vin, non batteur, non convoiteux d'un gain déshonnête, mais doux, non querelleur, non avare, conduisant honnêtement sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute pureté de mœurs. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment pourra-t-il gouverner l'Église de Dieu? Qu'il ne soit point nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la condamnation du calomniateur. Il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, qu'il ne tombe point dans des fautes qui puissent lui être reprochées, ni dans le piège du diable. Que les diacres aussi soient graves, non doubles en parole, non sujets à beaucoup de vin, non convoiteux d'un gain déshonnête, retenant le mystère de la foi dans une conscience pure. Que ceux-ci aussi soient premièrement éprouvés, et qu'ensuite ils servent, après avoir été trouvés sans reproche. De même, que leur femme soit honnête, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses. Que les diacres soient maris d'une seule femme, conduisant honnêtement leurs enfants et leur propre famille. Car ceux qui auront bien servi, acquièrent un bon degré pour eux, et une grande liberté dans la foi qui est en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses, espérant que j'irai bientôt vers toi. Mais en cas que je tarde, je t'écris ces choses, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, savoir, que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde, et élevé dans la gloire.